dans les games, je les baisse tous. J'ai des pare-balles, j'ai des pastoches, j'ai des cartouches. On est partout, on est partant, faut le pactole, fais le partage, faut empacter. Te mets par terre, je n'ai pas de thème. J'ai les métallis, c'est le cartel. J'ai le maniement, faut que ça saigne. J'ai le maniement, faut que ça saigne. Herbel, c'est les 4 tours, c'est la casté, c'est le 1-4-3, c'est les quartiers, c'est les carteurs, c'est les charbons, c'est les kilos, c'est des ballots tous les quarts d'heure. Prends ton choc, allez, barre-toi, bah les pattes là, fallait même pas, moi la caisse là, c'est instable, on s'y installe, t'inquiète même pas, t'inquiète même pas. J'arrive, c'est la guerre, c'est la calage, t'as pas là, je reste pas dans les parages. Écoute, pas la peine de parler, préparez-vous, ils vont se calmer. Je te baisse, je te baisse, je te baisse. Pas la peine de parler, viens me la touper. Ne fais pas la mort, compte tes shooters, je t'aime pas, bon débat, tu m'as dégoûté. On va les cartoucher. On va les cartoucher, on va les cartoucher, fais la page, t'es doublé juste en un couplet. On va les cartoucher, on va les cartoucher, on va les cartoucher, fais la page, t'es doublé juste en un couplet. Voilà, voilà, pas la peine de parler, préparez-vous, ils vont caler. T'as voulu clasher, moi la maladie, si on sera salé. Tu connais pas le ghetto, tu connais pas le béton, tu connais pas la prison, arrête de mentir dans tes sons. Mili, je te fais danser le dancehall. On arrive, besoin de personne. T'es pas mon ami, je te le dis perso. Ton son, je te fais des clés de sol. T'arrives souriant, tu repars plein de temps. Ok, tu t'es fait un call. Tu t'es fait un call. On s'en bat les couilles que t'es costaud. Tu veux tester, pas de respect, pas de l'espèce. C'est le système, on est pisté. Faut résister, faut insister, faut l'inexter. Devant ta mère, tu manques de respect. Tu fais le canard devant ta tasse. Tu parles du quartier. Tu finis dans le game, les jambes écartées. J'ai plus de respect pour une prostituée. Quand tu joues avec l'amitié, nous on ne sait plus qui tu es. T'as voulu tester, puis tu t'es vite rétracté. Tu t'es fait remarquer, toi et ton équipe de fatigués. Ok, tu m'aimes pas, je t'aime pas. Laisse tomber le rap, tu parles, ils en pas. Tu parles, c'est bien bon, mais au final tu clashes et tu n'assumes pas. Tu te caches derrière un profil, ça me touche pas, moi ça me fait trop rire. Au contraire, c'est un compliment, pour moi ça prouve que je vais trop vite. Oh, j'accélère, je profite. Dans les 16 mètres, c'est quand je profite.